Bonjour, installez-vous confortablement, vous qui êtes en voiture, dans le bus ou le métro, à la maison, au travail, vous qui êtes aux toilettes ou qui dormez, si vous dormez, réveillez-vous. Vous vous apprêtez à écouter le podcast délirant qui parle de pop culture. Le Popcast. Salut à toutes et à toutes et bienvenue dans ce tout nouveau podcast puisque c'est le premier épisode du Popcast. Un podcast, on peut le dire, délirant, hein, enfin ouais. On espère, dans lequel on va parler de pop culture, de toute la culture populaire, tout ce qui est populaire, tout ce qui est pop, voilà. De plein de trucs. Et avec Thomas. Salut à tous. Et Loris. Salut. Et donc aujourd'hui, pour ce tout premier épisode, on a un programme... bien chargé, je pense. On a un bon programme, hein, puisque nous allons vous parler de cinéma avec Edge of Tomorrow. C'est moi qui vais en parler. Voilà, ce sera Thomas qui vous en parlera. Nous allons faire un, pour nous présenter, puisque c'est le premier épisode, un top 5 de nos artistes musicaux préférés. Ouais. Je vous parlerai ensuite de Mesmer le Fascinateur. C'est bizarre comme nom. Ne rigole pas, on verra. On verra. Et des festivals pour l'été. Nous allons faire une petite liste de festivals pour l'été. Et nous finirons par un jeu qui s'appelle Moustache ou pas Moustache, qui sera présenté par Thomas. Et je vais parler du comité des reprises. Mais je l'ai pas mal. Ah, mais oui! Peut-être. On va commencer par parler du comité des reprises. Alors, on le classe dans la rubrique, la chronique. Internet. Un programme internet cool, le comité des reprises. Voilà, c'est son nom. C'est le nom, vas-y. Alors maintenant, on t'écoute. Edge of Tomorrow. Qu'est-ce que c'est que le comité des reprises Edge of Tomorrow, un film de science-fiction. Mais n'importe quoi. Donc, alors. Le comité des reprises, c'est une chaîne YouTube créée en mars 2014, précisément. C'est pas très longtemps. Créée par Monsieur PV Nova, c'est-à-dire Paul Victor, c'est son prénom, Paul Victor. Ah, je savais pas. Pas drôle. Moi non plus. Et Wax. Alors, qui sont PV Nova et Wax? C'est ce qu'on met sur une planche de surf pour pas glisser. En effet, c'est vrai. Mais c'est vrai. Bah oui, heureusement qu'il y a du surf, que c'est vrai. Sont deux compositeurs, ouais, musiciens et chanteurs. Alors, lui, PV Nova, s'est fait connaître sur Internet, notamment grâce à sa chaîne YouTube, qui est toujours active, hein, qui sort... Oui, toujours active. Il sort des expériences musicales. De nombreuses... des expériences musicales, des... Des reprises aussi. En partenariat avec Sony, des... Avec Philips aussi. Voilà, des vidéos en partenariat avec Philips. Également des chansons, comme le remix de Get Lucky. Exactement. Et pour quant à Wax, il vient du duo Folk, pas Flock, comme j'ai marqué sur ma fiche, Folk Rock, qui s'appelait Nozzle et Wax, qui a été créé en 2007 et qui est toujours actif, je crois, qui a sorti 3 albums, si je ne m'abuse. En effet. J'ai jamais écouté, mais ça me compte très bien. Ouais, il paraît que c'est vraiment rock. Hein. Donc en 2014, PV Nova et Wax s'associent dans la chaîne Comité des reprises, dont le but est de reprendre des musiques dans un style décalé avec des instruments peu conventionnels, d'après Wikipédia. C'est d'après la presse, c'est pas moi qui le dis. C'est d'après l'internet, tu vois. Ouais. Je vais donner mon avis après. Ouais. Comment ça, des instruments? Alors depuis quand? Des instruments peu conventionnels. Excuse-moi, mais un stylo flûte, c'est peu conventionnel. Un stylo flûte? Tu les as pas vu les vidéos? Si, j'ai regardé deux. Mais il y a un stylo flûte. Je sais pas, moi j'avais vu un clavier, je trouve pas ça hors convention, mais. C'est vrai qu'il utilise un tube à un moment. Oui, ça. Ah, mais oui, mais ça on l'a déjà vu, ça, dans les anciennes vidéos de PV. Merci pour cette critique. Enfin bon, le principe est là. Donc tous les jeudis, ils reçoivent un artiste ou un groupe qui interprète sa chanson avec l'accompagnement du duo. Donc je vais d'abord vous passer un petit extrait de chaque musique. Fais les bacs. Ouais, en commençant tout de suite par le groupe Les Casseurs Flotteurs, composé par Gringe et Orelsan. Et Orelsan. C'est du rap. Et ça donne ça. En reprise dans le comité des reprises. Ouais, alors attendez, excusez-moi, petit... Petit calage. Mais tu la connais. Attends, quand même. Peut-être s'écouter. Alors que la musique originelle ne ressemble pas du tout à ça. Et ouais. Au niveau de l'instru surtout, puisque oui. C'est ça qui est très célèbre. Donc c'était la chanson Fais les bacs des Casseurs Flotteurs. En fait, si vous reconnaissez, c'est ils utilisent des riffs de guitare assez connus derrière, joués par Wax. Donc vous parce que Wax s'occupe de la guitare. Acting Spirit, et souvent, Wax est souvent à la guitare et à la basse. Oui, parce qu'en fait, il faut savoir que PV Nova n'a pas un niveau énorme en guitare, ça se voit. Ouais. Et PV Nova, lui, il est au clavier. Critique. Ouais, il est au clavier. Bah oui. Ah, c'est trop bien. Après, ils ont reçu donc Allo Back, c'est comme ça qu'on prononce. Allo et Black. Allo et Black. Pardon. Allo et Black. Non, Allo et Black. Ah, c'est la Cantouzen qui. Allo et Black. Exactement, Pour sa chanson The Man. Ouais. Papa, d'accord, merci. Mais tu la connais quand même. Attention. C'est parti. Everybody. Et vous connaissez quand même la musique? Elle est quand même super connue, hein. Trop ouais. Cool, la cover, c'est sympa. Non, mais ce qui est super original en fait, c'est que c'est les artistes qui se font des covers eux-mêmes. Ouais. Enfin, ils s'adaptent en fait, ils arrivent parce qu'ils connaissent pas du tout. Enfin, ils s'attendent pas du tout à cet accompagnement. De bah, si, je pense qu'ils le travaillent un peu comme ça. Si, ils le travaillent avant, mais je pense. Ça va pas comme ça, oui, oui. Non, oui, oui. Vas-y, oui. Bim, envoie les notes, le tempo, c'est parti. Non, oui, oui. Oui, c'est vrai. C'était génial. Donc, je pense que. C'est une bonne chaîne YouTube, c'est un très bon principe. Ouais. Après, oui. Il faut que des artistes s'investissent. Bah, Aloe Black l'a fait, c'est génial. Un artiste assez connu qui vient sur cette chaîne. Il y a donc, après, donc il y a eu pour l'instant les casseurs flotteurs. Ouais, il y a Skip the Use. Aloe Black. Et après, donc, en troisième, il y a eu Gush. Ouais. Ah ouais, c'est trop bien, Gush. Interprété Dirty Attitude. Attendez, hop, une petite seconde. Voilà. Tu peux y monter un petit peu les hauts, là. C'est quand même super entraînant. Elle est tellement bien cette chanson. Bon, après je vous cache pas que après je vous cache pas que bon, il y a quelques artistes un petit peu originaux comme originaux. Bon, bah je vais sortir. Bah ouais, vas-y. Fenêtre. Bon, allez, enchaîne. Comme Catherine. Philippe Catherine. C'est un jeune homme, c'est un garçon. C'est un jeune homme. Génial. Mets-toi à l'aise, Francis. C'est dans le studio, bégueule. Donc ça, c'est voilà, c'est Catherine, Philippe Catherine, avec sa chanson Pas tout seul. Il a l'air d'un con. Non, non, je suis pas tout seul. Non, non, non, je suis pas tout seul. Comme une frite dans un cornet de frites. Alors Thomas est en train d'essayer d'accompagner la musique avec une petite guitare sèche. Je pense qu'on entend pas du tout bien et c'est surtout que c'est assez nul en fait. Ta gueule. Vas-y, fais-le. Bah non, c'est fini. Donc pour finir, ils ont reçu accompagnement artisanal. Ouais. Et ils ont reçu quand même le groupe Skip the Use, le groupe français. Un bon groupe. Le chanteur qui a interprété la chanson de petites secondes. Le chanteur qui s'appelle Matt. The Story of Gods and Men. C'est putain de bien. Vous la connaissez sans doute. Vous la connaissez. La première fois que vous l'avez entendu, c'était dans le podcast. Merci le podcast. On fait découvrir Skip the Use en exclusivité mondiale. Oh, c'est génial. C'est génial, c'est super. Donc voilà, vous voyez que pour l'instant ils ont donc sorti 5 vidéos. Pourquoi il rigole? Vraiment un souci, Thomas. Je sais pas. Ouais, donc vous voyez ça que. Ce serait bien si recevait Francis Cabrel. Ouais, pourquoi pas? Non, mais sérieux, pourquoi pas? Ouais, pourquoi parce pas. Ils varient vraiment le style, hein. Exactement. Là, c'est vrai qu'il y a de tout, hein. Donc franchement, voilà, je vous invite à aller voir cette chaîne. Je vous rappelle, ça s'appelle Le Comité des Reprises avec PV Nova et Wax. Wax. On s'en lasse pas. Hein. Voilà, donc vous voyez que chaque podcast, qui on a oublié de le dire, on a oublié de le préciser, le podcast est un podcast mensuel. Donc chaque mois, on vous fera découvrir un programme internet cool, une chaîne YouTube ou un blog, un site. Exactement. Quelque chose sur internet qui nous plaît, qui est vraiment fun et cool. Voilà, c'était le comité des reprises. Voilà, c'est un peu le principe du podcast. On va essayer de vous faire découvrir des choses qu'on voit pas, peut-être, enfin des choses qu'on trouve originales, hein. Et d'actualité. Et d'actualité. C'est le sujet principal. Exactement, voilà, on explique un peu le principe du podcast. Arrête avec ta guitare, qu'est-ce que tu fais là? Tu vas parler de Edge of Tomorrow. Ouais, puisque nous allons passer au cinéma avec Thomas qui va nous parler de Edge of Tomorrow. On n'a pas de jingle puisque c'est le début, on n'a encore pas fait de jingle, mais allez, ça va arriver dans les prochains épisodes. Donc tu veux nous parler de Edge of Tomorrow et pas de Edge of Tomorrow, s'il te plaît. Alors, vas-y. Oui, Thomas. Exactement. On t'écoute. Alors, tout de suite. Alors. Il prend ses fiches, hein. Ses fiches numériques. Oui, parce que. Ouais, moi monsieur, je suis à technologie. Bah, moi aussi. Hein. Ah ouais? Elles sont où tes fiches numériques? Elles sont juste là. Ah, d'accord. Bah, c'est une piste audio, ça, mais bon, c'est pas grave. Bon, allez, ouais. On y va. Alors, Edge of Tomorrow. Mais Tomorrow, pourquoi Tomorrow? Tomorrow, c'est demain, c'est Tomorrow. Pas Tomorrow. Tomorrow? Tomorrow. Tomahawk. tout même. J'ai trop joué à Assassin's Creed. Poulette. On peut peut-être faire on peut peut-être faire la chronique. Poulette. Mais regardez la courbe sur la cité. Bullette. Bullette. C'est à cause de vous, Jackson, parce que vous venez du Bitcoin Field. C'est Inspecteur Le Blanco dans Studio Bagel. Ah. Peut-être qu'on fera un programme internet cool sur Inspecteur Le Blanco. Ouais, mais ça n'existe plus, Inspecteur Le Blanco. Parce que vous venez du Bitcoin Field, Jackson. Vas-y, vas-y, parle. On y va ou quoi? Bullet. Edge of Tomorrow, donc Edge of Tomorrow, qui a été sous-titré magnifiquement Un jour sans lendemain. Waouh. Donc, réalisé par Doug Liman, dont c'est un réalisateur pas trop connu, mais bon, qui a fait de bons films en général. Oui. Alors, dans les rôles principaux, nous avons Tom Cruise. Le fameux Tom Cruise. Le fameux Tom Cruise, national, qui joue très bien. Pas national, non, enfin pas français en tout cas. Scientologue, national. Sectaire. Sectaire. Oh, comme le... Oh là là là là là là là là là. Je sens qu'on va pas s'en sortir. Ça devient faut qu'on soit apolitique, les gars, sinon on va avoir des problèmes. Bon, j'ai pas envie de crever, moi. Tom Cruise, mais également... Tom Cruise et aussi... Emily Blunt. Mais également... Bill Paxton. Mais également... Mais c'est à peu près tout pour les grosses têtes d'affiche hollywoodiennes. Donc, produit par Warner Bros. Un peu comme beaucoup de films. Et il y a aussi la 20th Century Fox. Et GM, si. Voilà. Donc c'est un film de science-fiction réalisé en 2014. Heureusement, puisque c'est un podcast d'actualité. Exactement, parce que c'est de Star Wars. Ah, mais Star Wars, c'est très bien. Bah, allez, on parle de Star Wars. Bon. Non, on va jamais y arriver à cette chronique. Un nouvel espoir, le premier film de George Lucas. Mais mec, tu nous en parles de Edge of Tomorrow. Alors, du prochain Star Wars, si tu veux, du 7. Oh oui! Du 7, oui. Bon, alors, nous allons tout de suite passer au top 5. Non, mais attends, j'ai pas fini! Bon, allez. Allez, Vladimir Poutine, moustache ou pas moustache? Mais non, on n'est pas encore ça. Ah oui, je trompais de critique, excusez-moi. Ce sera le dernier jeu. Dans un futur alors parlons un petit peu du film. La synopsis du film, si vous voulez bien. Donc, dans un futur proche, des extraterrestres ont envahi la Terre. Les humains. Écoute ton micro. Avec des. Mon micro. Les humains qui, avec leurs armes traditionnelles, on va dire, n'arrivent pas à battre les mimiques. C'est comme ça que sont appelés les extraterrestres, les mimiques. Bon, je trouvais ça un peu bizarre, mais bon, ouais, ma foi. Ça m'a fait un peu. Ma foi, je trouvais ça assez approprié à la démarche de ces aliens. Oui. Donc, les mimiques qui ont envahi la Terre, et les alliés, en fait. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle, c'est la Force Internationale de Défense, c'est ça? L'armée, quoi. Ouais, voilà, bon, l'armée. Armée américaine. Non, c'est une coalition. Ah bon? Et le général qui dirige cette armée, le général Birmingham, est un général anglais. Ah oui, ouais. Bon alors, bref, donc je commence. C'est pas un film de propagande, hein. Comme non, absolument c'est pas. Tous les Américains qui vont sauver le monde avec la Maison Blanche, le président, le drapeau américain, la Statue de la Liberté et tous les Américains qui vont sauver tout le monde. Absolument pas. Donc, je peux parler maintenant? Je t'en prie. Merci. Donc le héros principal, c'est Tom Cruise, qui joue le Major William Cage, un Américain. Non, il va du Kentucky. Non, c'est l'autre. Il va du Kentucky. Parce que Jackson, rien compris vous venez du Wisconsin. Bullet. Ah non, oui, donc il y a le l'officier William Cage, ouais, qui vient des États-Unis. Ouais, donc c'est lui le héros, joué par Tom Cruise. Ouais. Il y a donc aussi le général anglais Birmingham, qui vient de l'Angleterre. Birmingham Palace. Ensuite, il y a le sergent Farrell, qui vient du Kentucky, et donc des États-Unis d'Amérique. Bon, bref, j'arrête de parler. Donc, du coup, vous... J'arrête de parler. Ok. Bon, allez, moustache ou pas moustache. Donc, ce sera le dernier jeu, ça. Non, mais arrêtez. Vous n'arrêtez pas de me couper. Donc, ouais, du coup, vous vous réveillez. Bon, voilà. Et en fait, le Major Cage, c'est celui qui a dirigé la campagne de propagande, si on peut dire ça, sur les forces de défense. Voilà, donc il a dit c'est génial, engagez-vous, il faut y aller pour tuer tous ces extraterrestres et pour libérer la Terre du fléau qu'ils sont. Et en fait, il se réveille dans un hélicoptère et le général lui dit qu'il va devoir aller combattre. Oui, alors qu'il n'a jamais combattu de sa vie, c'était seulement quelqu'un des services militaires du service de propagande de l'armée. Ouais. Donc du coup, lui, il est un petit peu chamboulé, on va dire ça. Et il sait pas trop quoi dire. Bon, bref, il se fait assommer et maîtriser par des agents de sécurité. Et il se retrouve dans une caserne remplie d'hommes. Oui, remplie d'hommes, oui. Et de femmes, d'ailleurs. Bon, bref, c'est des soldats. Oui. Et donc dans cette caserne, il va rencontrer le sergent Farrell, qui vient du Kentucky. et non pas des États-Unis. Oui. Comme c'est le nom de l'Unité. Bref, et donc il va rencontrer l'unité qui va lui servir de, enfin qu'il va dans laquelle il va participer à l'assaut, et l'assaut qui va se dérouler en Normandie. Eh oui. Donc c'est une référence à. À la Seconde Guerre mondiale. Au débarquement. Débarquement, voilà. Exactement. Il n'y a pas qu'une référence au débarquement. Et donc voilà, vous allez bien voir comment ça va se passer, mais pendant cette la première bataille, il va acquérir un pouvoir de boucle temporelle. Je m'explique. À chaque fois qu'il meurt, explique-toi. Il revit la journée qui précède le débarquement. Donc et tout ça parce qu'il a tué quelque chose. Bon, vous le découvrirez dans le film. Et donc en fait, il va essayer de se libérer de cette boucle temporelle tout en tuant tous les aliens. En effet, toujours plus de bruit avec les fiches. Exactement. Donc j'aime bien. Donc maintenant, bon ben, on peut parler du scénario en lui-même qui est Arrête plutôt ça simpliste mais efficace. Oui. Moi, franchement, étant donné que j'ai pas compris comment il pouvait se souvenir de ce qu'il fait. Mais il se souvient pas, il lui réexplique à chaque fois. Et sauf qu'on le voit pas. Tom Cruise, lui, se souvient. Oui, Tom Cruise, il se souvient. Mais en fait, donc voyez-vous, James en fait. Blunt, là où je sais pas comment mais il la meuf. Blunt. Mais est-ce qu'on peut le dire? C'est un peu du spoil quand même. Là, ce qu'on va dire. De quoi? Un peu du spoiler. C'est un peu de. Ouais, spoil. Bon alors. Spoiler! C'est pas tellement du spoil parce qu'on le voit dans la bande annonce quand elle le tue et que ça recommence. Ouais, bon alors. En fait, il y a eu une bataille avant le débarquement en Normandie qui est aussi un clin d'œil. C'est la bataille de Verdun. Oui! Et dans cette bataille de Verdun, la Full Metal pétasse. c'est vrai, c'est comme ça. C'est Rita Brzozowski, bon, jouée par Emily Blunt. Ouais. Et ben, on découvre qu'elle a elle aussi eu le pouvoir de boucle temporelle, mais qu'elle a perdu. Alors, le film vous l'expliquera très bien, il est très intelligent sur ce système de temps là. En fait, il est très intelligent parce qu'en fait, il nous explique que le film lui-même ne sait pas trop comment ça marche. Enfin, les humains eux-mêmes savent pas trop comment ça marche. Ah, mais ça, c'est trop facile. Ça veut dire que c'est le film lui-même qui sait pas comment ça marche. Mais non, parce qu'au bout d'un moment, tu commences à comprendre que le film il comprend. Mais je trouve que c'est bien que les humains ne comprennent pas tout. Pas tout du premier coup, que même la fille qui en a fait l'expérience plus de 300 fois n'arrive pas à tout comprendre comment ça marche. Bon bref, elle a gagné la bataille de Verdun, donc la fille, et elle va aider Tom Cruise à s'entraîner, donc pour essayer de devenir le meilleur soldat possible, afin de pouvoir vaincre les mimiques. Sauver le monde. Et sauver le monde par la même occasion, parce que sinon ce serait pas un film américain. Moi, j'ai trouvé plutôt intelligent le film avec lui-même. Et vas-y, on t'écoute. Merci de m'aider, ça tue une photo, Loris. Grâce à Jacques. Grâce à Jacques. Jacques J-A-K. Et sauf bon. Si tu remplaces le A par un F, ça fait JFK, et là, c'est un petit peu rigolo. Anyway. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Et donc, moi, je pense qu'il est très intelligent, ce film. Franchement, ouais, c'est hyper bien écrit, je trouve. C'est très bien écrit, malgré son scénario simpliste. Ouais, bah oui. Il fonctionne très très bien. Moi, j'ai l'impression que même le réalisateur a pas trop compris qu'est-ce qu'il a fait. Mais non, c'est pas parce que toi, t'as pas compris. Bah, Loris, oui. Au bout de la quatrième réincarnation, on a rien compris. Bah oui. Mais qu'est-ce que t'as pas compris? Mec, je vous le répète encore une fois, quand il annonce à James Blunt, là où je sais pas qui... Emily Blunt, s'il te plaît. James Blunt, c'est un chanteur. Exactement. Emily Blunt, 19, qui va sauver le monde tous les deux. Bah, oui. Elle se souvient, chaque fois. Non, elle se souvient pas. Il lui en réexplique. Fait, c'est le montage cut qui fait que... Tu dois comprendre par toi-même qu'à chaque fois, il revit la même chose, tout ce que tu vois. Mais c'est juste qu'il te le remontre pas, alors sinon tu passerais ta vie devant le film. Enfin, ouais, voilà, c'est pas un petit peu à la matière. Ouais, voilà, il faut en sommaire, en fait, tu peux y récapituler la même chose. Donc du coup, moi je trouvais qu'il y a beaucoup de gens qui ont critiqué ce film parce qu'il y avait un montage ultra cut. J'ai pas trop trouvé que c'était ultra cut quand même. Ouais, ça va, moi je trouvais que c'était pas trop violent. C'est que plusieurs scènes se répètent à chaque fois, comme il meurt à chaque fois. Mais que ça devient pas répétitif et on s'en lasse pas. Oui, mais voilà. Alors si te remontrait tout à chaque fois, t'aurais ouais, mais peut-être mieux fois, compris. Mais trois fois le même épisode avec même quatre fois le même épisode avec le commandant qui. Voilà, parle, ça c'est le moment où il se réveille. Ouais. Donc non, je trouve que c'est quand même un point positif. Mais après, moi, je vous dis, j'ai franchement pas compris. Puis voilà, je vais tout vous dire. J'ai regardé le film jeudi soir, la veille. France-Allemagne. Donc j'avais un petit peu la tête plus ailleurs. Au Brésil, cause d'avenir. Mais c'est pas vrai. Ah, si, je vous jure. Ouais. J'ai fait mes projets. Tu sais qu'à un moment où je comprenais plus rien, j'étais en train Loris était dans un moment de léthargie complète sur son fauteuil. Il était comme ça. Du coup, j'étais en train de réfléchir à la tactique. Loris s'est dit les humains, c'est les Allemands et les Français, c'est les mimiques. Ouais, bon. Oh non, les gars, vous avez tout spoilé. Oh là, alerte au spoiler. Enfin, ça va, t'es tout. En même temps, c'est pas trop du spoil. Hein, de ta gueule. C'est un film américain, ça finit toujours bien. Quoi. Ta gueule. Il se marie pas avec. Il se revoit. Non, mais il y a un système assez intelligent, on sait pas qu'est-ce qui se passe. Oui, on sait pas, on dit rien d'ailleurs. Bon, il y a des running gags, bon, les phrases qui se répètent tout le temps au début des réincarnations, parce qu'en fait, si vous voulez, Tom Cruise c'est le seul à savoir qu'il revit tout le temps la même journée. Et du coup, pour se faire. Du coup, en fait, à chaque fois, il se. Il a incompris. Quand il se réveille, à chaque fois, en fait, il se fait toujours taper par le même bonhomme, et à chaque fois, il se fait défoncer. Ouais. Par. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe aux avis. Donc, c'est. Non, aux avis du film. On les a donné, les avis. Bah ouais. Voilà. Bah alors, Loris. Non, moi. On donne pas de notes parce que j'aime pas ça. Ouais, non, pas de notes. 13 sur 20. Non, je redonne un peu plus. Mais non, franchement, c'est un bon film. Moi, je vous dis, j'ai pas tout compris. Et je pense même que le réalisateur n'a pas compris. Si, si, le réalisateur. Faire un truc dans. Le réalisateur comprend son œuvre. Sinon, il a dit, je vais faire ce truc là, mais il y a des incohérences. Mais il n'y a pas d'incohérences. Enfin, si, il y a quelques petites incohérences pas trop grossières. Vite mais, fait. Mais... Enfin, quand vous lisez l'article sur la Voix du Nord, parce que des fois j'essaye de croiser mes sources avant de faire cette critique, j'ai regardé une critique d'un youtubeur que vous connaissez, qui est spécialisé en cinématographie, qui s'appelle Durandal 1. Ouais. Ouais. Ensuite, j'ai regardé les articles sur la Voix du Nord et ceux sur d'autres médias type journalistique, type papier, type presse. Et je vois que les avis sont plutôt mitigés. Ah. Enfin, la Voix du Nord, ils disent que c'est un espèce de truc complètement what the fuck. Pro-américain testostéroné et tout. C'est parce qu'ils ont rien compris. Voilà. Après, et les Durandal, sont pas lui, mal. Qui est plutôt, je veux dire, critique. Et je trouve qu'il donne plutôt un bon avis, surtout qu'il est jeune, comme nous, environ. Donc il a un avis qui plaît bien, surtout qu'il aime bien la SF. Et du coup, il comprend la SF, parce que je suis pas sûr que les journalistes de la Voix du Nord comprennent la SF. Ouais. Faudra leur demander. Bon, et ton avis, toi, Léo ? Moi, franchement, j'ai bien aimé. Je trouvais que justement, on comprenait bien et que il y avait, j'ai pas trop vu d'incohérence tout ça. Alors que quand j'ai vu la bande annonce tout ça, je me suis dit oula, c'est le genre de film où tu vas rien comprendre. Et quand je suis allé le voir, ben j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal fait. Enfin, ça m'a pas emballé. Non, c'est pas le truc, c'est pas mal. Les effets spéciaux, ils sont jolis. Ouais, les effets spéciaux, ils sont bien faits. Ah, il faut savoir qu'il y a eu des conditions de tournage difficiles. Par contre, le 3D, vous faites pas. Ouais, la 3D, par contre, donc je sais pas si c'est. Ouais, ça sert une fois dans le film. Je sais pas si c'est de la 3D la 3D native ou de la 3D faite par dessus. Je pense que c'est de la 3D faite par dessus, oui, comme bah, c'est fait. Là, je sais pas. Ouais. Mais bon, alors si vous pouvez aller voir en 2D, je pense que c'est. Non, c'est simplement pour pas vous faire arnaquer, payer un euro de plus. Ouais. Bon, moi j'ai bien aimé la 3D, elle était ou pas. 2 euros si vous achetez une. Elle était pas indispensable, je pense. Voilà, ouais, largement. Ouais. Ouais. Enfin, il y a quand même beaucoup de films. Hein, qui moi, j'ai donné. Je trouve que c'est très bien tourné, très bien réalisé. Moi, ce à film. Part Gravity, Voyage au centre de la Terre et Avatar. Avatar en 3D, c'était stylé. Très peu de films qui méritent. Gravity, franchement, il y a. Ah ouais, Gravity. Même aussi. Si le film est pas génial, il y a un truc avec la 3D. Ouais, il y a un truc avec la 3D bon. Qui est pas mal. Bon voilà. Tout de suite, nous allons passer. Et moi, j'ai pas donné mon avis. Ah pardon. Mais si tu l'as donné. Mais si tu l'as donné. Tout mais alors, t'écoutes. Rapido. On est en retard. Bien. Intelligent dans son scénario et que j'ai hâte de lire le livre sur lequel il est tiré. Sur lequel il est basé. Ah, il est d'accord. Basé sur un livre, je sais pas. Ah, oui. Voilà. Comme beaucoup de films d'ailleurs. Comme beaucoup de films. Et tout de suite, nous allons passer, puisque c'est le premier épisode, nous présentons un petit peu. Donc, je vous présente Loris. Ouais. Thomas. Oui. Et moi. Et donc, nous allons vous faire un top 5 de nos artistes préférés. Vous allez ainsi pouvoir découvrir un petit peu nos personnalités pour le premier épisode. Comme ça, on se retrouvera dans les prochains épisodes. On se connaîtra mieux, on sera des potes et tout. Et. Je raconte de la merde. Right. Qui veut commencer? Toi. Moi, je suis pas prêt. C'est vrai? Non, pas trop. Bon, bah alors, Thomas, tu peux commencer. Je te donne le petit câble magique qui permet de relier la console de mixage au téléphone. Je vais te le donner. Alors, le voici. Donc, merci on bien. A fait chacun. On a chacun choisi 5 artistes. Et pour chacun des artistes, on a sélectionné une chanson. Ouais. Exactement. Alors, moi, reflète. Mon numéro 5. Pour nous, je pense que Loris, tu sais, puisque toi-même tu sais. Je crois que tu commences à connaître mes goûts musicaux. Parce que il faut savoir que Thomas aime beaucoup les artistes peu conventionnels, on va dire ça. Rétro. Et peu conventionnel. Mais celui-là, il est. Comme le style flûte. Ouais, exactement. Moi, celui-là, il est assez connu, je pense. Bon, je vais vous passer l'extrait. Je pense que vous allez vas-y. Tout de suite reconnaître. Faut que tu mettes le son de ton. Ça, c'est du cœur. Ah ouais. Muse. Exactement. Avec ce petit live de Madness. Va un bout où ça pète là, va un moment où ça pète. En live c'est quand même bien. Franchement, je pense que Alors moi j'aime bien Muse. Tu peux laisser en fond parce hein, que tu... parce qu'ils font des ils font des musiques bien sympas qui sont assez représentatives de du travail qu'ils fournissent. J'aime beaucoup et je trouve que les performances qu'ils fournissent en live sont assez exceptionnelles. Ouais. Notamment les je sais pas si vous avez regardé les lives. Donc le bassiste qui fait des solos d'harmonica des fois entre deux chansons, il se met sur le devant de la scène et fait des solos d'harmonica, ça c'est impressionnant. Sur le devant de la un peu comme scène, Christophe Maé. Exactement, mais dans un autre style. Mais alors voilà, donc c'est il faut dire que c'est trois Britanniques à la base qui ont beaucoup travaillé pour former ce groupe et je trouve qu'ils méritent leur succès, peut-être même plus que leur succès. Numéro 4. Même plus, voilà. Pour moi toujours. Top 5 à top 5 d'un coup là comme ça. Ah ouais, d'un coup. Alors moi je les ai pas trop classés. Mais non, je pense qu'on devrait faire chacun notre tour. On fait chacun notre tour. Non, je trouve que c'est top mieux. 5, top 5, si on fait chacun notre tour. Et on va devoir se passer le câble à chaque fois et tout, ça va être chiant. Allez, gros nawa. Allez, mais non, c'est tranquille. Bon, allez, je vous le fais. Donc moi, attends, je suis sur quelle ligne, voilà. Comment ? Sur cette tranche. Je le fais. Vas-y. Alors, je les ai pas trop classés parce que, en fait, j'ai à peu près 250 artistes que je kiffe, mais là j'ai pris les 5 meilleurs. Vas-y. Et donc j'ai pris, donc on va dire en numéro 5, Avicii. J'aime bien. Ah oui. Ouais, j'aime bien ce qu'il fait, le dernier album et tout, c'est plutôt pas mal. Là j'ai pris Lay Me Down. Ça ambiance, hein. Ouais. Voilà, donc il fait des morceaux électro assez originaux, je trouve. Enfin, il prend des différents styles musicaux, genre avec Aloe Black, ils avaient fait Wake Me Up quand c'était sorti à l'époque, c'était un peu original. Ouais, c'était génial. Et donc voilà. Arrête avec la guitare. Pour moi c'était Avicii en 5ème position. Pour moi, top 5 à moi, je pense que Thomas va reconnaître. Ah oui. Sky full of stars. Dans son nouvel album Coldplay. A Sky full of stars. Dans son album. Dans l'album c'est Ghost Stories, je crois. Son album s'appelle Ghost Stories, effectivement. J'ai choisi Coldplay. Ouais. Très bon groupe, britannique aussi. Britannique aussi, c'est vrai. Britannique en effet. Ouais. Ils sont bons ces rugby. En effet. Pas comme dans Sandwich au concombre. Ou au rugby. Aussi. Au foot. Au foot, ils sont carrément nuls. Quinky au foot. Voilà. Bon, on va faire la parenthèse sportive et tu nous parles un peu de ce groupe. Non. Ah. Non, Coldplay, oui, ils ont déjà sorti 4 albums auparavant. Ils ont sorti de nombreux titres très populaires comme Viva la Vida. Ouais, exactement. Qu'on peut faire une petite démonstration de guitare, non, je déconne. Ah, ça, je sais faire par contre. Allez. C'est vrai, tu sais faire ? Ouais. Bah, vas-y, alors on va écouter Loris en démonstration live. Attends. Pam. Non, ça c'est Wonderwall en fait. Excuse, je me retrouve plus dans les accords. Je joue Wonderwall comme ça. Ah oui, t'as comme ça. Non, ça c'est Wonderwall toujours. Attends. Là, je l'ai. Vas-y, chante. I used to woo the world. Si vous voulez, vous cherchez ma vraie guitare tout à l'heure, je vous le fais. Bon, ok. On verra plus tard. Numéro 4 pour Thomas. Ah, numéro 4. Qu'est-ce que tu as choisi comme numéro 4 ? Alors, mon numéro 4 à moi, je pense que. Bon, alors, je vais retomber dans mes petits travers, comme dirait Loris, parce que mon numéro 4, c'est un groupe rétro qui fait néanmoins toujours des concerts. Et je trouve qu'ils ont su rester dans leur style, toujours avec leurs concerts, que je trouve vraiment bien. Alors, Léo, essaye d'en connaître peut-être. Vas-y. Puisque Loris est parti chercher sa guitare. Je balance et j'ai balancé. Ah, j'écoute. J'ai balancé, mais tu n'entends pas parce que tu n'as pas remonté. Excuse-moi, j'ai baissé. Bon. Ah, attends, merde. Fais-moi le refrain. Ah, mais je connais le. Ouais, je me souviens plus. C'est des Red Hot Chili Peppers. Ah oui, bah voilà. Putain. Ouais, donc je trouve un groupe iconique, franchement, avec un excellent travail du chanteur dont je me souviens plus le nom, malheureusement. Le guitariste qui a quitté le groupe, si mes souvenirs sont bons, c'est John Frusciante, 63e meilleur guitariste du monde. Ah quand même. Bon, franchement, j'adore son travail. Ce qu'il fait. Ouais, Red Hot Chili Peppers, c'est plutôt. C'est vraiment génial. J'adore tous leurs, j'adore toutes leurs chansons. Et franchement, ils font encore quelques concerts en Argentine, par exemple. Et à chaque fois que je croise quelqu'un qui aime un peu la même musique que moi, bon bref, et ben il me dit, il est Red Hot Chili Peppers. Si je veux aller voir un groupe en concert, c'est eux que j'irai voir, franchement, parce que ils ont fait un travail gigantesque sur toute la période de règne. Si de règne. Je peux dire ça sur la musique. Un petit peu de funk, un petit peu. C'était un petit peu tout mélangé, j'adore ça. Bon, alors un petit extrait encore pour les oreilles. Voilà. Ça fait du bien, c'est vrai que c'est plutôt bien. Loris qui est parti chercher sa guitare, qui peut nous faire du Coldplay, c'est ça? Ouais, si tu pouvais me ranger ça, ça m'arrangerait. T'inquiète. Alors oui, donc je vais aller chercher ma guitare folk et je vais vous jouer l'introduction de Coldplay. Viva la vida, s'il vous plaît. Par Loris. Merde. Bon, j'ai quelques soucis parce que ça fait environ 4 siècles que j'ai pas joué à guitare, mais. C'est pas mal, c'est pas mal. Ah, c'était un changement d'accord aussi subtil qu'un éléphant qui est dans une maison. Enfin bon, après je vais vous faire Wonderwall. Today is gonna be the day that we're gonna pass to you. Pour mon numéro 4, si je pouvais avoir mon iPad. Oh, c'était vraiment magnifique. C'était magnifique. Merci beaucoup. Alors pour mon numéro 4, j'ai choisi je vais vous faire écouter, vous allez bien. Alors qui reconnaît? Moi ça me dit quelque chose. Ah, Skip the Youth. C'est Skip the Youth. Oh, oh, j'ai gagné. J'ai choisi dans leur dernier album Little Armageddon. Armageddon. Ouais. Little Armageddon. Birds are born to fly. Fly. Les oiseaux sont nés pour voler. Logique. C'est un présent de vérité générale. C'est vrai. Alors pourquoi Skip the Youth? Pourquoi Skip the Youth? Parce que c'est un groupe un peu comme Coldplay en fait, finalement. Le rock. Mmh. Bon là c'est un groupe français, le même vocal des artistes quand français quand même. Ouais. Exactement. Mais quand même le chanteur Matt Bastard, il a une putain de voix. Attendez, je peux vous faire écouter également Skip the Use, mais une version française de Skip the Use. Ils ont fait un titre en français dans leur dernier album. Ah oui, j'avais entendu parler, vas-y. On écoute. Ça vous intéresse. On écoute, si ça met pas 30 ans, on écoute. Il est là, il s'appelle Être Heureux. Il est juste ici. Be Happy. Bon, je trouve que c'est pas au niveau du texte, ça ressemble à du Black M un peu. Faut pas exagérer quand même. J'ai entendu parler que Chaka Pong, quand ils avaient été remerciés par l'Académie française ou un truc comme ça, ils ont reçu un prix par l'Académie française de français. Ah, je crois. Ah, voilà pour moi. Ça m'a fait penser à ça. Voilà pour mon numéro 4, c'est Skip the Use. Ok, alors moi, mon numéro. C'est quoi on passe au numéro 4 là, c'est ça? C'est pas moi, numéro 4 si tu l'as fait. Oui, mais je l'ai fait, mais j'en ai 5. Donc, mais je les mets pas. Je sais pas, j'ai pas trop d'ordre. Donc, mais tu l'as pas fait ton numéro 4, Léo? Si, mais. Numéro 3. Donc pour moi, ce sera numéro 4. C'est Chidi Bang. Mais non, je l'ai pas fait mon numéro 4. Ah, fais-le. Mais je le fais là. Casse pas les couilles. Ok. Donc, c'est un artiste qui s'appelle Chidi Bang. C'est un rappeur. Et il fait des rap des trucs assez cool et c'est un américain, je vous fais écouter. Ça s'appelle Opposite of Adult. Et vous allez voir, c'est Après là, au refrain, ça je me fais kiffer. Ouais. Ça va. Bon, voilà, ils font plein de rap, mais c'est vraiment original. Enfin, il y a des trucs vraiment originaux, comme merde, je sais plus comment ça s'appelle. Mind Your Manners, qui était en featuring avec Kona Pop, et c'est des artistes que j'aime bien. Voilà, c'est un duo. Il y en a un qui fait le rap et l'autre qui est au clavier. Et maintenant, Thomas, c'est toi pour ton numéro 3. Alors, mon numéro 3, moi je pense que. Loris, peut-être que tu l'as deviné, mon numéro 3. Bon, je repars un petit peu dans les années modernes. C'est-à-dire 1960. Exactement. Enfin, je pense que si c'est la chanson que je vais vous passer était sortie en 1960, bon, ça aurait choqué du monde. Alors. Sur je pense ma que route. Ça va vous plaire. Sur ma route, oui. Ah ouais. Ah. En numéro 3. En numéro 3. C'est-à-dire qu'il y en a deux devant, quand même. Je suis curieux de savoir qui sont les deux autres après. Bah, pour moi, Eminem, c'est le rappeur par excellence. Américain. Américain. Ah. Donc, c'est le rappeur par excellence capable de faire des raps ultra violents comme Berserk. Il aime se faire violenter, hein, Thomas. Ou des raps un petit peu plus original comme celui-là. Rap God. Ah, bon, pour moi, c'est juste le meilleur rappeur du monde et le plus polyvalent parce qu'il fait de tout, touche à tout. Et pour finir, je dirais le délicieusement kitsch. C'est que le grand corps malade fait plus vite, hein. Ouais. Je sais. Mais bon, c'est une dizaine de mots en autant de temps. Bon, merci, on va pas écouter toute la chanson non plus. Ouais, ouais. Parce que des droits d'auteur, après on va prendre cher. Ensuite, on va prendre genre, très cher. Donc, pour moi, très cher, même, ouais. C'est le meilleur rappeur du monde. Voilà. En parlant de rappeur, moi aussi, je vais vous sortir un rappeur. Ah, j'ai deviné, ça y est, je sais. Ce serait pas plutôt deux rappeurs. Deux rappeurs, pour vous dire, même Toulousain, puisque si on vous l'a pas dit, on vous le dit, on est Toulousain. Non, pas moi. Toulousain de la campagne. Ta gueule. Les Corses. Ah. Tu pouvais monter, Léo. Ah, excuse-moi. Merci. Comme toi. Alors peut-être que peu de gens connaissent, c'est un des seuls groupes de rap. Ah mais ils commencent à buzzer là, hein, sont, enfin genre de plus en plus. Hein. Ouais, ils sont tournés. C'est un des seuls groupes de rap, en tout cas un des seuls rappeurs que j'écoute avec Eminem, avec Orelsan, Eminem et un autre aussi. Ils seront dans pas mal de festivals. 995, ils seront dans pas mal de festivals cet été, dont on vous parlera tout à l'heure. Ah oui. Et il y a 2-3 festivals, je crois. J'en ai vu 2-3, j'en parle d'un dans lesquels ils sont, mais ils font la tournée des festivals. Normal, c'est midi, je me pose devant la télé avec un bol de miel. Pops. À peine fini de boire le lait que j'allume. La Xbox. Donc c'est Gangsta, une chanson donc, du groupe Big Flo et Oli, deux jeunes Toulousains, un de 18 ans et un de 23, si je ne m'abuse. Toulousain, donc c'est pour ça. Ouais. Non, c'est vraiment un des seuls groupes de rap que j'écoute. Et comme je voulais caler un petit peu du rap quand même, je vous ai mis Big Flo et Oli en 3ème position. Oh, c'est pas mal. Big Flo et Oli. Mais il va pas se coucher. Oh, allez. Ça c'était la punchline. Donc moi je vous parle de Deluxe. En 3ème position, c'est ça, on est à 3ème position. Oui. C'est Deluxe, qui est un groupe. Attends, je passe le câble à Thomas. Deluxe, c'est un groupe qui fait. Je sais pas comment on pourrait définir ça. C'est du sample, c'est du mix de différents instruments, de différents sons. Mm-hmm. Et c'est plutôt pas mal. Enfin, moi j'aime un beaucoup. Peu comme Klingend. Klingon, non, c'est pas comme Klingon du tout, mais. Voilà, ils font des trucs un petit peu comme ça, pas mal de sons de ce style. Et leur dernier album est pas mal, ils font aussi les tournées. Voilà, voilà. Thomas, ton numéro, pour numéro 3. Alors j'ai déjà fait mon numéro 3. Ah bah numéro 2 pardon. Numéro 2. Je suis un peu à la bourre. Ouais, t'es un peu à la bourre. Un peu beaucoup même. Alors Loris, mon numéro 2. Bah alors là, je pense que c'est, il en reste 2 et je pense que c'est 2 vieux. Ah. Ma foi, bien deviné. Mais quelle discrimination. Mon deuxième fait toujours des tournées. Et oui. Mon premier fait encore des tournées. Et oui. Ouais, négro, fait tourner. Alors. Vas-y, on t'écoute. Alors, on passe l'extrait, je sais que t'as parlé à environ 0 personnes. Je t'écoute. Rock. Rock Against the Machine. Hard Rock. Metallica. ACDC. Minute Skinner. Non, ça me dit rien. C'est Guns N' Roses. Ah, ah oui, c'est pas si vieux que ça. Hein. Ouais, les pistolets c'est... et les fleurs. Allez, années 90, donc Guns N' Roses, pour leur très bon travail dans le monde de la musique. Je les remercie pour tous ces riffs de guitare iconiques. Ils vont être très contents que tu les remercies. Merci, ouais. Slash. Ça leur fait plaisir. Je t'aime. Donc moi, en deuxième position... Oh, vous avez déjà mis un bout. Je pense que vous allez la reconnaître. Peut-être que cette chanson est pas si connue que ça. Mais je pense que vous allez la reconnaître. I'm coming home to you. Imagine Dragons. Ah, ça, c'est parce que je te l'ai fait écouter. Non, parce qu'en fait, hier, j'ai réécouté leur album. Ah. Bah, qu'est-ce que tu fais? C'est le refrain. Ouais, c'est... Franchement, Imagine Dragons, c'est pas mal, quand même. Franchement, je vous conseille leur dernier album. Parle bien dans le micro. Night Vision. Ah ouais. Il est juste parfait. En fait, c'est leur seul album. Du coup, tu fermes ta gueule. Oh. C'est leur dernier aussi. C'est pas fou. Ouais, c'est... Alors, personne 18 n'a rien. Chansons, mais alors les 18 sont juste extraordinaires. Sont mal. Bon alors, moi, je limite, savais que... Damon, c'est la moins bonne. Ouais. Moi, je pense... Je sais que t'allais le mettre dedans, donc du coup, je l'ai pas mis dans mon top 5, mais j'ai pas parce que je te connais. Kiff, bien. Alors, le dernier, je pense que tout le monde doit savoir, mais bon, dernier. Bon allez, vas-y, enchaîne sur ton premier du coup. Ah non, mais non. Ah mais est-ce que Léo l'a fait? Non, j'ai pas fait encore. Ah, bon, deuxième. Alors juste, est-ce que tu peux couper ton... Oui, c'est bon, c'est bon. Hop là. Donc moi en troisième, j'ai choisi qui c'est que je peux mettre en premier? Attends, ça se joue entre deux. Ouais, bon, en troisième, j'ai choisi Klingdand avec Punga. Là, putain, mais tu t'imagines sur la plage. Punga, elle est meilleure que Jubel. Ouais, je trouve. Enfin, c'est moins répétitif. En fait, ce sont deux joueurs de deux. C'est du saxophone, ouais. Ils sont tous les deux du saxophone. Exactement. C'est juste trop bien. Et là, tu t'imagines sur la plage en vacances. Voilà. Dire qu'il pleut à tout le monde. Ah non. Non, ça va, ça il va. Il fait soleil. Bon alors, Thomas, ton numéro 2. Ah non, ton numéro 1. Mon numéro 1, alors. Ah Loris, moi, je suis sûr que tu sais ce que c'est. Bien sûr. Mais je te laisse ce petit plaisir. Ah, sérieux? Ah oui, ah non, oui, ok, je pensais que c'était quelqu'un d'autre. Moi, je préfère Stairway to Heaven. Hein. Moi aussi, je préfère Stairway to Heaven, mais c'était Cashmere. le riff légendaire, juste. Led Zeppelin. De Led Zeppelin. Alors Led Zeppelin, c'est le groupe quand même. Même s'il date il y a environ 50 ans, c'est le groupe. Mais il faut pas juger les gens sur l'âge. Exactement. Bon alors, par contre, j'ai deux spéciales remerciements, si vous me permettez de les mettre, s'il vous plaît. Vas-y, pas moi je te permets pas, mais bon, vas-y. Bon alors, deux spéciales remerciements. Le premier pour eux. Ah, c'était le jingle d'une émission. Ouais. C'était le jingle de... Je sais pas quelle émission qui passe à la télé, mais... Bon, mais c'est I Can't Get c'était 30, c'est le jingle de 30 millions d'amis. Ah oui, peut-être. Oui. Ah, c'est I Can't Get No Satisfaction des Rolling Stones. Et ensuite, mon deuxième spécial remerciement va à. Laurie, je suis sûr que tu sais. Lynyrd Skynyrd. Ah, c'est. Non. Non. Metallica. Non. Ah, c'est DC. Alors là. Mais c'est qui? Rage Against the Machine. Ah oui, le fameux Rage Against the Machine. Et oui. Comment on prononce Rage Against the Machine? Rock Against the Machine. Non, Rage. Ah oui, Rage. Rock. Rage Against the Machine. Contre la machine. Parce que c'est un bon groupe de métal alternatif. Loris, ton premier? Ah, les Daft Punk. Ah, mais je les ai pas mis. Je les ai oubliés. J'ai essayé de faire un petit peu dans l'original, je vous ai pas mis du Get Lucky. T'aurais pu mettre Robotrock. Get Lucky, du Beyond ou du One More Time. Ou du... Mais les putains de bien l'album, aérodynamique. Robotrock. Et t'inquiète bien, Robotrock. Dans leur dernier album avec Pandabir. Regarde pas, c'est son pseudo. Chacun choisit, on choisit pas son nom. Hein. Pas sa famille. Lol. Et donc, c'est donc dans leur dernier album en Non Access Memories. Je suis un grand fan. Ah, mais c'est tellement bien. Il l'a même précommandé sur Amazon. Ah ouais. Moi, je peux pas précommander les albums de Led Zepp. Hein. Ah bah non, c'est pas juste. Par contre, Michael Jackson, tu peux. Il est mort, mais. Ouais, il est mort, mais l'argent le fait revenir. J'ai failli mettre du Michael Jackson, Love Never Felt So Good. Ouais. Bon. On va terminer avec le top 1 du chef Léo. Ouais, mais je sais pas si ça va. Je pensais que t'allais mettre du Grand Corps Malade, Loris. Ouais, j'avoue. Non, je voulais faire une dédicace à Grand Corps Malade. Ah, mais pourquoi tu l'as pas faite? Moi j'ai fait deux dédicaces. J'ai fait une dédicace au Rolling Stone et une dédicace à Rage Against the Machine. Du Grand Corps Malade et c'est génial. Non. Jugez pas, écoutez. C'est génial quand vous êtes dépressif. Ah non, c'est génial. Et quand vous avez envie de mourir. C'est génial, c'est que du bonheur. C'est pas trop bien. Oh, t'as pas fait la dédicace à Patrick non plus. Ah, bah vas-y, fais ton top 1. Alors, pour moi, en premier. J'ai mis Les sardines de Patrick Sébastien. Non, j'ai mis un artiste qui s'appelle Parov Stellar. C'est un groupe d'artistes. Ils sont 4, je crois. 4, c'est des DJ, pareil, ils font du sample. Et t'as pas mis Fauve, Léo? Non, j'ai pas mis Fauve, mais j'aurais pu. Mais j'aurais pu. Je mettrai en dédicace. Allez, j'ai 250 artistes en dédicace. C'est parti. Ouais. Big up. Donc il s'appelle Parov. Pas Grand Corps Malade. Il s'appelle Parov Stellar et ils font de l'électro swing en fait, si vous voulez. Ah ouais, c'est pas mal. Ça doit être pas mal. Ah oui, je connais. Tu connais? Voilà, ils font des trucs de ce style et c'est je trouve que c'est putain de bien. Je sais pas, ça me donne envie de danser. Au fond, on va la foutre. Au fond, si on est bon et qu'on descend Ulus, on va la foutre au fond. Bon, mine de rien, ils ont perdu à 0 contre la merde, donc c'est terminé le Brésil. On l'a pas foutu. Allez, hop, c'est foutu. Au fond. Ah, Patrick Sébastien aussi, dédicace à toi. Ah bah oui. Yeah, merci Patrick. Oh, oh, oh, oh, oh. Bon, voilà pour notre top 5. Pardon. Vas-y, tu peux en mettre. Hein. Je vais me remonter de musique de fin. Voilà et pour le top 5 pour nous présenter un petit peu. Et on passe à quoi là? Et tout de suite, on va passer à... Je vais vous parler de Mesmer, le fascinateur. Alors peut-être que vous ne le connaissez pas. Tiens, je te laisse mettre les musiques de fond, Loris. Hein. Ouais, je t'en prie, elle est bien la tienne. Ouais, mais oui, mais je vais pas... elle va pas rester 107 ans. T'inquiète. Alors Mesmer le fascinateur. Hop, j'ai ma fiche qui était coincée sous la chaise. Mesmer le fascinateur, en fait, Mesmer, si vous voulez, c'est un artiste canadien qui fait de l'hypnose. Et depuis quelques mois en France, même ça fait un an, je pense, depuis un an, en fait, il fait le buzz car il fait la promotion de son spectacle, en fait. Du coup, on le voit un peu partout à la télé, etc. Et on a eu l'occasion de le voir dans différentes émissions exercer son talent d'hypnose. Et donc si je vous en parle, c'est parce que c'est vraiment super impressionnant. J'ai lu un article dans une revue scientifique très sérieuse qui expliquait comment l'hypnose était possible. Et ça confirme donc un peu l'absence de gros trucage, en tout cas, genre de complices, etc. C'est possible. C'est scientifiquement possible, l'hypnose comme il le fait. Voilà, c'est... si vous voulez, je vous explique un peu comment ça marche, mais... Mais c'est un peu long. Ah bah alors non, c'est pas la peine. Enfin c'est un peu long, je peux vous expliquer en deux mots, mais oui, bon. Vas-y. Bon, en deux mots, en fait, comment ça marche l'hypnose avec lui, c'est que dès le départ dans son spectacle, en fait, par la mise en scène, les lumières, etc., par la façon dont il arrive, il intervient, etc., il dit dès le départ que c'est lui le maître, etc. Donc quand il t'hypnotise, on va dire, c'est pas magique, c'est que en fait t'es sous son contrôle parce que tu obéis juste à ce qu'il te dit, comme si ton chef il te disait, comme si ton chef de bureau par exemple il te dit de faire un truc, ça marche pareil, tu vois. C'est le principe de supériorité. Comme il est supérieur, ah, tu oui, l'écoutes oui, oui, et tu fais ce qu'il te dit de faire. Dis-moi, moi. Oui, oui, voilà. Mais je comprends. Tu vois un peu le principe. Je vois. Et donc voilà. Et pour, qu'est-ce que je disais? Ah oui, il est capable de faire croire n'importe quoi à presque n'importe qui. Alors, il y a des gens qui sont un peu plus réceptifs que les autres, les rebelles et les moins rebelles, quoi. Et donc, il peut faire croire presque n'importe quoi à n'importe qui. Par exemple, dans son spectacle, il fait croire à une grande partie de son public qui sont devenus des hommes de Cro-Magnon, et les gens qui sont sur scène, qui les victimes, on va dire, eh bien, ils sont à fond. Les mecs, c'est, ils se croient vraiment des hommes de Cro-Magnon. C'est limite choquant, quoi. Et donc tout ça pour vous dire qu'il revient à la télévision en France, pas seulement pour la promo de son spectacle, enfin un petit peu quand même, c'est un peu pour ça qu'il fait ça, mais il revient à la télévision en France pour une nouvelle émission sur TF1 qui sera diffusée vendredi à 20h50, où il hypnotisera différentes personnalités. Voilà, ce sera diffusé sur TF1 à 20h50 et bon, ça a l'air drôle et en même temps c'est un truc sur l'hypnose. Vendredi même là? Ce vendredi, ouais. Ah ouais. À quelle heure? À 20h50, je crois. En première partie soirée. Voilà, je tenais à vous en parler, c'est vraiment impressionnant et si ça vous intéresse, son spectacle qui s'appelle Intemporel sera à Bobino en automne cette année. Est-ce que vous avez des questions? Je n'ai pas de questions. Non, pas de questions. Bon, pas de questions. Bon, vendredi alors. Voilà, vendredi 20h50, pas de foot, il hypnotise les personnalités et c'est franchement je trouve que ce qu'il fait c'est vraiment extraordinaire. C'est il fait s'endormir les gens comme ça enfin voilà, c'est si vous voulez lire un article qui explique l'hypnose notamment avec Mesmer, c'est je l'ai lu dans la revue scientifique Science et Vie Junior, voilà. C'était tout expliqué dans un très long article, voilà. D'accord, donc voici pour Mesmer le fascinateur et tout de suite tu vas nous parler de... Ah merde, j'enchaîne. Des différents festivals de l'été. Donc je vais vous parler des différents... Les vieilles charrues si vous... Oui, entre autres. Si vous voulez bouger pour si... l'été. Oui, parce que cet été, ben voilà, il va faire beau, etc. Et pourquoi ne pas sortir dans des festivals... musicaux. Des festivals musicaux, voilà. Hein. Des festivals. Oh, des festivals. Oh, le mec, il croive qu'on dit festivals. Oh, bah, c'est quoi le problème? Et donc, on va commencer. Je vais vous faire une petite liste de festivals. Faut progresser en français, tu dois. Et ensuite, je vais vous donner le nom d'un site pas mal sur lequel vous pourrez trouver différents festivals, sûrement à côté de chez vous. Donc, on commence avec le Positive Festival. C'était le 5 juillet. Donc, je vous en parle pour rien, mais non, je rigole, puisque le Positive Festival, c'est deux dates, c'est le 5 juillet et le 16 août. Ah. Donc, vous pourrez retrouver le 16 août aux Arènes de Beaucaire, un festival de musique électronique qui s'appelle le Positive Festival. Elle est où ta musique de fond? C'est un peu forte. Elle est là. Voilà. C'est Daft Punk, hein. C'est vrai? Donc, c'est un festival de musique électronique avec, par exemple, Disclosure, Flume, il y a Jabberwocky, Fakir, Ento, bon, il y a les deux têtes d'affiche, c'est quand même Disclosure, Flume et Jabberwocky. Vous pourrez retrouver plus d'informations sur www.positivefestival.com. Voilà, festival de musique électronique qui se déroule aux Arènes de Beaucaire. Ensuite, le classique, on va dire les Francofolies de La Rochelle. C'est un festival de pop du 10 au 14 juillet. Donc en tête d'affiche, on aura Asaf Avidan, Ben l'Oncle Soul, Biflo et Oli, les Casseurs Flotteurs, Catson Trees, yes, c'est la voisine de Thomas. Il paraît. Et qu'est-ce qu'il y a? Où est le problème? Il y aura Deluxe, dont je vous ai parlé tout à l'heure, Elephants, Fauve, les frérots de la Vega, Jabberwocky, Agam, Joss Jonathan, Tal, Zaz, et voilà. Donc si vous voulez plus d'informations, francofolie. Tal et Zaz, quoi, bordel. Francofolie.fr. La merde. Yes. Autre festival, les plages électroniques. Donc c'est à la plage du Palais des Festivals de Cannes. Ça va de soi puisque voilà, et c'est un festival de musique électronique, ça va de soi, hein, aussi. Avec comme tête d'affiche Madeon, hein, c'est la t'inquiète, c'est rien, Loris. C'est la principale tête d'affiche, Madeon, qui sera donc au festival des plages électroniques. Il y a d'autres artistes. Madeon, c'est un très très bon artiste. Ouais, d'autres artistes que je connaissais pas trop, donc je vous ai pas mis en tête d'affiche, mais plage-électronique.com, voilà, pour plus d'informations. L'autre très classique, les vieilles charrues. Les charrues en Bretagne. Voilà, à Carré. Ah, c'est à Carré en Bretagne, du 17 au 20 juillet. Festival de pop aussi avec Fauve, Indochine, Vanessa Paradis, Skip the Use, The Black Keys, Stromae, Casseur Flotteur, Franz Ferdinand, Elton John. Oh, il y a Sir Elton John. Chaka Ponk. Quoi? Elton John, le sosie de Jürgen Klopp. Ah oui, bon. C'est ma traduire de Dortmund, anyway. D'accord. It was obvious. Les casseurs flotteurs, je disais, donc Franz Ferdinand, Elton John, ouais, j'ai dit, Chaka Ponk, Détroit, Julien Doré. Détroit Julien Doré, c'est pas... Julien Doré, c'est de la merde, tu dégages. Non, Julien Doré, j'aime bien. Les Arctic Monkeys et Yodelis. Voilà, donc bien, plus, Yodelis, hein. Plus d'informations sur vieillecharrue.asso.fr. Et c'est du combien, combien du 17 au 20 juillet. D'accord, et... Pardon. Tu t'accordes mi. Du 7 au 20 juillet. Tu as d'autres festivals ? Oui, j'en ai d'autres, puisqu'il y a l'EMF, Electro Beach Music Festival, ah oui. Du 11 au 12 juillet à Port-Barcarès. Alors là, c'est un truc énorme. Hein. Ça me fait surkiffer. Grosse ambiance. Grosse ambiance avec Calvin Harris, Armin Van Buren, DJ Snake, Fatboy Slim, Axwell, Example. Bon, des grosses têtes d'affiches de la scène électronique internationale. Plus d'informations sur electrobeach.eu. Ensuite, pour finir, je vais vous parler du Big Festival à Biarritz. Ah, ça, c'est l'air pas mal. Ça a l'air pas mal, je connaissais pas. Et Thomas y va. Et Thomas y va. Il nous en parlera après. C'est un festival de pop qui se déroule du 16 au 20 juillet avec, comme tête d'affiche, Jabberwocky, Placebo, Metronomy, Yodelis, Fauve, Casius, Stromae, Kavinsky, Irma, Klingand. Tous les mêmes. Voilà. Il y a Klingand, ouais, qui font du saxophone en live. Oh là là. On va voir Klingand. Pour plus d'informations, bigfest.fr. BIGFEST.fr. Voilà, bien sûr vous pouvez retrouver, il y a plein d'autres festivals en France, ouais. Sûrement à côté de chez vous, hein, comme on dit. Et donc un site pas mal que j'avais vu, c'est digistic.com, digistic.com, et dans la catégorie festival, vous trouvez plein de festivals en recherche par région, etc. Loris avait trouvé un autre site que je sais plus comment ça s'appelle. Bah moi non plus, je vais essayer de le retrouver. C'est pas la caravane des festivals, un truc comme ça ? Non, je sais plus. Bon. J'essaie de chercher. Il vous dira peut-être tout à l'heure. Voilà pour les festivals pour de finir, l'été. Donc j'espère que vous aurez trouvé des informations qui vous intéressent. Et on finit par un petit jeu de Thomas, c'est dont Thomas je vais lancer un jingle. Oh. Ça s'appelle Moustache ou pas moustache. Ce jeu est inspiré quand même de faits. Qu'est-ce qu'il y a ? Non. D'accord. Donc le jeu Moustache ou pas moustache par Thomas, juste le temps que je retrouve le jingle. Avec ma moustache. Toujours ma moustache, avec ma moustache, toujours ma moustache, moustache, toujours ma moustache. C'est PV Nova qui avait cette musique ? Oui, exactement, pour la chaîne Golden Moustache. Et c'est lui qui chante ? Ouais. Rasé de près ! Non ! Voilà, alors Thomas va vous expliquer les règles du jeu. Alors, les règles du jeu, c'est très simple. Je vais dire le nom d'une célébrité. Pas forcément célèbre. Et le premier qui répond moustache, pas moustache, a le point. C'est-à-dire que si par exemple je dis n'importe quoi, bon, un exemple. Et Loris me répond moustache. Malheureusement, cette personne n'a pas de moustache. Mais donc c'est pas très compliqué, tu peux aller assez rapidement. Hein. Du coup, assez rapide, il a zéro point. Mais Léo ne peut pas se rattraper. Donc c'est un test de rapidité en fait. Mais vas-y. Alors, pour commencer, si mon téléphone veut bien s'allumer. Donc, pour commencer, Noël ma mère. Noël ma moustache mère. Moustache. Oh putain, merde, j'ai pris mon temps en plus quand même. Un politique, point ma mère. Pour Laurie. Putain, un écolo, un vert. Et puis un rouge. Oh oh oh oh, et pardon, tout ce qui est politique ici, on oublie. Hein. Alors, un point pour Laurie. I wanna know. Maintenant, Wolverine. Pas moustache, il a une barbe. Pas moustache. Qui ça pas moustache. Mais non, mais j'étais pas là. Et alors, c'est pas mon problème. Ah, ok, c'est bon. Allez, je me concentre. C'était Wolverine. Oh là là. Alors, maintenant, Tom Selleck. Pas moustache. Moustache pour Tom Selleck. Oh là là. Ça me fait quoi? Ça fait moins. Ça fait 0 et pas pour rien pour toi. Ouais, c'est ça. Ok, il y a 0-0. Donc 2-0 pour moi. Ah, on peut dire de la merde en fait. 2-0 pour toi. Jean Ferrat. Moustache. Je crois que c'est Laurie. Non, c'était moi. Je demande un ralenti, s'il vous plaît. Ouais, c'est je demande l'arbitrage vidéo. La goal line technologie. Alors maintenant. Christian Lampierre. Ouais. Fred Carange, l'état de la pelouse. Merci Fred. Merci Fred. Merci Fred, effectivement. Freddie Mercury. Pas moustache. Ah, il a dit en premier. Il a dit en premier. Non, il t'as a dit en premier pas moustache. Oui, il a dit ça. T'as dit pas moustache. J'ai dit moustache. Moustache non. Ouais. Moustache, non, il a dit pas moustache. Inch'Allah. T'as dit moustache. Ah, j'ai dit moustache. Et où est le problème? En 2-1. Ok. Allez. Maintenant, Albert Einstein. Moustache. Joli. Moustache. On est à 3-2 pour Loris. Marty McFly. Pas moustache. Joli. Oh, c'est même pas qui. C'est qui déjà? Marty McFly, c'est le. Ah oui, c'est le. Le retour doc, vers le futur. Ouais. Ah oui, oui, oui, le enfin, grand-père. Le doc, là. Mais le grand-père. Hein. Non, pas le doc. C'est le personnage principal. Ouais, ah oui, oui. Ah, le grand-père doit être mort. Hein, Harrison Ford. Pas moustache. Joli. Putain. 5-3. 5-2, 5-2. T'en as combien déjà? Pour savoir si je peux me rattraper. 13, je crois. Ah! I wanna know if you wanna be my girl. On se calme. Georges Brassens. Moustache. Joli. Ah, oh, non, il a une barbe, pas une moustache. Oh, il a une moustache aussi. Ah. 5-4, non, 5-3. Ouais. Allez, on se concentre. Harry Potter. Pas moustache. Pas moustache. Ah, le bâtard. Faut que je gagne. Enfin, faut pas que je perde. C'est surtout ça mon truc. Hein. Larry Bird. Pas moustache. Moustache. Moustache pour Larry Bird. Non. Si. C'est qui Larry Bird? C'est un joueur de basket au hasard. Clint Eastwood. Pas moustache. Pas moustache, quoi. Oh là là, j'étais tranquille en plus. Maintenant, alors je regarde mes petits. Hey baby. Ouh. Ah. Et maintenant, celui qui vaut. Ambiance camping, hein. Celui qui vaut 10 ah, points, c'est-à-dire, ça c'est le dernier. Il faut combien? 10 points. 10 points, il y a quoi? En fait, celui qui dit ça, il a gagné. C'est con ou quoi? Exactement. C'est l'arnaque. Bon, attends, regarde les points. On est à 4 pour Léo. Et 1, 2, 3, 4, ok, 5, les 10 6, points, ils sont pour moi. 6. Ah non, on va me dire 2 points, comme ça si Léo trouve. Ah, on revient ah merci, bah merci. Et t'en as encore un après? Et non, après j'en ai pas. Par contre, je peux en trouver, t'inquiète. Ok, ok, dans sa tête. Attention. On va sortir des conneries. Chewbacca. Bah, moustache. Moustache. Moustache. Mais une barbe. Il a des poils quoi. Mais il a une moustache alors. Pas de moustache pour Chewbacca. Mais quoi, pas de moustache pour Chewbacca? Bah, je sais pas, genre. Chewbacca. Chewbacca. LOL. Ta gueule. Ça ressemble à un truc, mais bon. Bon, Chewbacca n'a pas de moustache. Ah, mais. Bon. Bon, bon, on va dire que. On va dire que ça compte pas. Encore une question à 2 points. Ouais. Paul McCartney. Pas moustache. Allez, pas moustache. 2 points. La égalité, madame, mesdames et messieurs. Okay, Chewbacca. Non, Bouchaké, non, Chewbacca. Bouchaké. Monsieur, on se calme. Bon allez, on se concentre un petit peu. Allez, vas-y. Lénine. Moustache. Perdu, Léo. Ah, merde, je pensais. Chewbacca. Ta gueule. Pas moustache, Lénine. Pas moustache, Lénine. Ah, je pensais qu'il y avait une moustache. Il avait un bouc. Ah, ouais. Oui. Un bouc. Bon allez, celui pour la gagne. Faut que je trouve quelqu'un. Ok. Pour la gagne, pour la gagne, pour la gagne. Sors pas une connerie, hein. C'est dur. Jerry West. Pas moustache. C'est qui? Un joueur de basket. J'ai dit au hasard. Je me suis dit, il a pas une, un nom, tout. Il a pas un prénom. C'est nom. Direct des studios. Merci. C'est qui a gagné? C'est toi. Oh bon, Loris, on dirait qu'il veut se rattraper. Du coup, on peut en avoir encore deux. Arrête d'écrire ça. Pour en avoir encore un ou deux, si vous voulez. Oui, c'est oui. Filmé. Katy Perry. Pas moustache. J'aimerais tellement avoir une moustache. Qui a gagné l'Eurovision là. Ah, Conchita Wurst. Ah, pas moustache, alors, elle a une barbe. Bon, voilà pour. Bon, ça se termine sur une égalité. Parfois, j'aurais pu donner la victoire à Loris parce que c'est lui qui a le plus mérité. Bon, voilà. Le podcast, c'est terminé. C'est terminé, on a fini l'émission en demandant vos pronostics pour la fin de la Coupe du Monde. Allemagne. À qui va gagner? Qui va gagner la Coupe du Monde en finale contre qui? La France. Je sais pas moi, Brésil. Contre qui? Contre Pays-Bas ou Allemagne? Contre, allez, l'Allemagne. Brésil-Allemagne. Quel score? Putain, mais j'en sais rien, moi tu sais que je suis très mauvais en foot, enfin, je connais rien. Allez, on va dire 1-0. 1-0 pour le Brésil contre l'Allemagne, ok. Et toi, Thomas? Argentine-Allemagne, 2-0 pour l'Allemagne. Argentine. Allemagne. 2-0 pour l'Allemagne. Ouais. Et si on parlait de la draft un petit peu? Et moi, je parie une finale Brésil-Argentine, victoire du Brésil 2-0. Une petite finale Pays-Bas-Allemagne et l'Allemagne qui étrille le Pays-Bas 3-1. Attends, tu fais deux finales toi? Une finale? Oui, la petite finale, les perdants de la demi-finale. Ah, ça existe une petite finale? Ouais, ça existe à la Coupe du Monde, mais pas l'Euro. Et si on parlait de la draft? Bon, on en parlera la prochaine fois, non? C'était sage. Enfin, je sais pas, on en parle si tu veux, on en parle en off. Mais ce qu'on pourra faire, c'est qu'on en parle dans le prochain épisode, mais on explique ce que c'est, etc. Ce qu'on pourra faire. La draft, tout le monde connaît pas le basket. On, on fera un truc la prochaine fois, ok? Voilà. Dark Vador, moustache ou pas moustache? Dark Vador, moustache! Oui! Oh non, c'est une blague en fait, il a pas de moustache. Bon, on se retrouve dans un mois, hein, pour le prochain c'est épisode. Un podcast mensuel. Magic Johnson. Exactement. Pardon. Nous parlerons peut-être de la draft. Hein. Yes. Je t'aime, Marcus Smart. On se retrouve dans un mois. Salut à tous et salut à tous. Est-ce que tu peux couper ta petite musique de fond? T'inquiète. À la prochaine. Allez, à la prochaine. Ciao. Bonjour. Installez-vous confortablement. Au revoir. Vous êtes plutôt. En voiture, dans le bus ou le métro, à la maison, au travail, vous qui êtes aux toilettes ou qui dormez. Si vous dormez, réveillez-vous. Vous vous apprêtez à écouter le podcast délirant qui parle de pop culture. Le Popcast. Come on,